LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Comme vous êtes en face de moi, je vais m'amuser pendant qu'on parle à vous gribouiller. Donc ça ne sera pas vraiment une caricature, mais quelques traits succincts de votre visage à partir de vos lunettes, parce que c'est plus géométrique, donc pour quelqu'un qui ne sait pas très bien dessiner, c'est plus facile. Et donc vous faites ça, vous faites les visages des gens qui sont autour de vous ? Oui, j'aime bien faire les visages des gens qui sont autour de moi. Ou sinon, je me laisse emporter dans des choses géométriques, des petites fleurs qui partent de principes géométriques, de petites spirales, de gestes répétitifs. C'est une sorte de rose. Ça sera une rose qui racontera l'épanouissement d'une conversation. Alors, je gribouille toutes sortes de surfaces et toutes sortes de nappes, toutes sortes de choses. Sinon, non, je n'ai pas une pratique de dessin, si ce n'est pour ma fille, qui me demande de dessiner pour elle et qui trouve mes dessins très beaux alors qu'ils sont très, très laids. Alors, je dessine souvent des soleils. Et puis, pour ma fille, j'essaie de faire des chiens. Une histoire du trait. Essaye de voir si tu peux faire. Même, fais quelque chose qui te permet de comprendre un peu ce qui se passe là-bas. Comme, essaye de t'expliquer. Tu dis le dessin, essaye de t'expliquer par le dessin ce qui se passe. C'est... Voilà. Quand j'avais 5 ans, ma mère a fait venir une professeure de dessin à la maison. Et tous les mercredis, on avait des cours de dessin en fait académiques. Lui, c'est Ricardo Cavallo. C'est un peintre qui habite dans le Finistère et qui peint des paysages de rochers et de mer en très grand format. Il donne aussi des cours de dessin à Saint-Jean-du-Doigt. Et c'est très intéressant parce qu'un enfant de 6, 7, 8 ans est capable, en suivant une certaine discipline, je pense de la même manière qu'avec un instrument de musique, à s'approcher de la réalité grâce à des mesures selon les règles de la perspective renaissante. Donc, j'ai suivi des cours de mon âge de 5 ans jusqu'à 15 ans. Et même si ce n'était pas prévu du tout que j'allais, en fait, faire ma vie autour de la peinture et du dessin. Premier épisode, dessiner pour s'amuser. La question étant de savoir si les artistes de la Renaissance gribouillaient ou pas, et de comprendre ce qui lie ces artistes de la Renaissance et ceux et celles qui dessinent aujourd'hui. Ben moi, en fait, ça fait très longtemps, contrairement aux apparences. J'ai fait une très longue formation de dessin, puisque ben, dès la sixième, disons, je prenais des cours de dessin un peu classiques, genre style chien au fusain, sur hyper réaliste, que ma grand-mère adorait accrocher au mur. Et puis ensuite, en fait, au lycée, j'ai fait de l'art appliqué. Et ensuite, eh ben, j'ai intégré les arts déco de Strasbourg. Voilà, donc j'ai une formation plutôt classique, finalement. Celle que vous entendez, là, c'est Lisa Mandel. Elle est autrice de bande dessinée et elle a mené une expérience qui consistait à dessiner une planche par jour pendant un an. Bien sûr, le dessin académique a fait partie de ma formation parce que c'est reconnu universellement que dessiner d'après nature et dessiner la réalité, c'est ce qui fait le plus progresser. Donc j'y ai eu droit depuis longtemps, depuis toujours en fait. Est-ce que vous aimiez ça ? Bah, en fait, au début, j'aimais bien quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais en fait, maintenant, j'aime pas du tout. C'est pas du tout une pratique qui me plaît. J'adore la contempler chez ceux qui y arrivent bien, la contempler chez les autres, cette pratique. Mais moi, je trouve que ce que je produis, moi, en dessin d'observation, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à me détacher, en fait, du côté académique, justement, et à trouver mon propre style. Ce qui fait que souvent, quand je fais du dessin d'observation, ça ressemble pas du tout à ce que je fais en bande dessinée, parce que j'ai pas réussi à trouver de connexion entre les deux, contrairement à beaucoup de consoeurs et de confrères qui créent un univers, en fait, complètement personnel, tout en s'inspirant du réel. Moi, je me sers absolument de toutes ces notions que j'ai reçues au début. Si vous voulez, l'éventail des possibilités qu'offre le dessin est énorme. Autant votre dessin instinctif que le dessin qui était travaillé par la tradition. Pour moi, vous pourriez avancer presque par deux chemins parallèles. vous pouvez éventuellement avancer en tant qu'autodidacte, et aussi vous pouvez recevoir information très claire, très rationnelle, de comment on peut créer un pont avec la réalité. Donc, moi, tout m'a servi. Et d'ailleurs, je crois que c'est grâce à cette formation que j'ai reçue que je peux, à l'heure actuelle, créer comme une langue, surtout avec les adultes, pour leur faire gagner du temps et leur montrer que dessiner est très, très, très proche de le système éventuellement de l'écriture et de la lecture. Hein, voilà, 15 minutes. Et là, tu es beau comme c'est pas permis, déjà. Non, c'est très bien. Si vous avez cet effort de synthèse au début, et en laissant tout ça comme une hypothèse de travail, hein, il n'y a rien là. Donc, vous le faites d'une manière très souple, hein, et vous essayez de voir autant l'extérieur que l'intérieur de la forme. Tout compte. Donc, et on crée des rapports. Et à partir de là, si on sent, tu vois, par rapport ici, on sent qu'est-ce qui se passe là. C'est-à-dire, il faut être très conscient de la verticale et de l'horizontale. Si on est conscient de ça, chaque degré de 360 degrés du cercle, tout de suite on le comprend. Les faibles inclinations, tu vois, les bras par exemple, comment il est en train de rentrer, en fait, si on est très conscient de ce qu'on appelle les aplombs, les fils à plomb, comme ça, tac. Peu à peu, hein, vous allez tisser là quelque chose. Et donc on va de la synthèse à l'analyse. Une fois que tout ça est relativement en place, là, on était venu pour interviewer Ricardo Cavallo et enregistrer ensuite son cours de dessin. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. D'abord, on est resté dîner, attablé avec les jeunes artistes qui donnent le cours avec lui. Dans une petite cuisine pleine de toiles, de pinceaux et de chiffons, on a mangé du riz complet aux échalotes et aux œufs durs, le tout cuit dans un rice cooker. Ensuite, on a dû s'asseoir, nous aussi, devant un chevalet, crayon à la main, pour tenter de dessiner le modèle qui nous faisait face, nu, trapu, tranquille sur son estrade, à côté d'un chauffage qui lui faisait rougir la peau. Alors, comme on débute, ce n'était pas brillant. Mais le cours de modèle vivant, c'est depuis toujours l'un des passages obligés des cours de dessin. Et justement, c'est une sorte d'histoire du dessin qu'on voudrait faire, qui t'entraîne en raconter quelques étapes. Des tracés préhistoriques au graffiti d'aujourd'hui et qui explorerait la relation des artistes de la Renaissance au dessin. Mais à toutes les pratiques du dessin, de la plus officielle et virtuose à la plus intime, la plus informelle ou la plus ludique. Celle que longtemps, l'histoire de l'art n'a pas su voir. Et Francesca Alberti, elle, a su les voir et elle les a même cherchées. Elle est du genre à ouvrir de nouveaux champs de recherche et c'est une des deux commissaires de l'exposition Gribouillage organisée en 2022 à la Villa Médicis. Et pour commencer, il faut réfléchir à ce qu'est le dessin et comment il a été pensé. Francesca Alberti, vous êtes directrice du département d'histoire de l'art de la Villa Médicis. Est-ce que vous pouvez nous parler de la conception qu'on a du dessin au tournant de la Renaissance, avant la Renaissance et après? Est-ce qu'il y a un basculement? Je dirais que la réflexion et le concept de dessin que nous avons, en tout cas hérité de la Renaissance aujourd'hui, se constitue véritablement entre le 15e et le 16e siècle. Et participe à l'émancipation de l'artiste, du statut de l'artiste. Et puis, peu à peu, par une sorte de théorisation auquel participent différentes grands théoriciens. L'un des plus célèbres, peut-être, c'est Léon Battista Alberti, qui va véritablement ériger le dessin comme fondement de la pratique artistique. Est-ce que vous avez senti, vous, au cours de votre parcours, un peu cette espèce de hiérarchie ou de condescendance que parfois certains peuvent avoir pour la bande dessinée par rapport au dessin avec un D majuscule, avec des, Il y a forcément une hiérarchisation. La BD, ça s'est longtemps resté un peu un art mineur. Donc on est encore dans une notion que la BD, c'est un truc d'ado. Mais de toute façon, comme le dessin a été longtemps considéré comme un art mineur par rapport à la peinture, c'est-à-dire que ça fait assez peu de temps qu'il y a des expos de dessin. C'était toujours censé être des dessins préparatoires à de la peinture. Donc en fait, même le dessin en tant qu'art, c'est assez récent qu'il soit remis un peu au goût du jour. Les croquis, les esquisses, ils restent dans les cartons en général. Donc je pense pas que ça se limite qu'à la BD, quoi. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, l'art est plutôt vu du côté des arts mécaniques, donc des arts manuels, du côté de l'artisanat. À la Renaissance commence ce mouvement qui revendique pour les arts dits du dessin, les futurs beaux-arts, donc la peinture, la sculpture, l'architecture, un statut qui se rapproche davantage des arts libéraux, donc de pratiques intellectuelles. Diane Baudard, c'est une des deux commissaires de l'exposition Gribouillage, qui s'est tenue en 2022 à la Villa Médicis à Rome. L'idée, c'était de comprendre quelles pratiques du gribouillage ou du dessin libre ont les artistes, de la Renaissance à aujourd'hui. Et dans cette construction, le dessin est véritablement un terme clé, d'autant plus qu'en italien, le mot « disegno » est à la fois « dessin » dans le sens de dessin manuel, DE2SIN, mais aussi disegno en tant que dessin intellectuel, DE2SEIN. Et sur cette base se développe un discours théorique autour du dessin qui identifie l'origine du dessin dans l'idée, hein, donc dans l'intellect. Alors évidemment, dans ce discours-là, toute cette pratique d'un dessin gribouillé, d'un dessin plus spontané, d'un dessin qui souvent surgit du geste de la main, n'a pas de place. Ricardo Cavallo, vous peignez des grands tableaux, souvent c'est des paysages de rochers du Finistère, et ces tableaux sont composés, quand on les regarde de près, de différents carrés. Quelle place, Ricardo Cavallo, a le dessin dans votre pratique quotidienne, dans votre pratique de peintre ? Elle est constante. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai fait des tableaux très grands, et pour faire ces tableaux qui peuvent avoir 3 mètres par 3, 3 mètres par 5 des fois, et je les fais à l'extérieur. Donc, je les fais par des éléments. Et j'ai 40, 50 éléments et que je vais travailler devant la réalité. Donc, on peut imaginer que vous êtes comme une haute mer, au milieu de la mer, et qu'un premier dessin fait comme un caillou sur lequel vous pouvez mettre un pied, vous faites un deuxième dessin, encore un autre pied, et peu à peu, les dessins successifs commencent à créer comme un rocher au milieu de la mer, et après, ça va être une île, plus vous allez faire du dessin, et à la fin, vous allez faire comme un pays dans lequel vous avez trouvé un terrain ferme ou fondé quelque chose. Le dessin est capital pour que je puisse développer un travail de cette façon. C'est-à-dire qu'avant, je dessine les sujets qui m'intéressent. Ce n'est pas de l'hyperréalisme, n'a rien à voir avec ça. Mais j'ai besoin de circonscrire les lieux qui m'intéressent. Après, ici, à travers le dessin, j'assigne la surface que je vais donner à ce travail du paysage que je vais aborder. Et donc, ici, les dessins que j'ai faits dans la nature, qui peut-être me demandent une, deux, trois journées. Ici, je les passe à la grande surface. Et après, le travail de peinture peut commencer. Et après, c'est au niveau du tissage des couleurs. Et là, c'est l'aspect absolument musical, abstrait. Et on rentre dans quelque chose que c'est un tout petit peu inénarrable. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est le dessin qui est narrable. Le reste, la peinture, c'est... On a commencé à définir notre champ d'étude en regardant un certain nombre de dessins qui se trouvaient en marge des œuvres de la Renaissance. Ils pouvaient être dans les abords de dessins, derrière des toiles, derrière des panneaux, des tableaux, comme l'on pouvait trouver à l'intérieur de manuscrits, dans les lettres, dans les papiers, en fait, dans les fonds d'atelier des artistes. Et très souvent, dans la classification de ce genre de dessin, puisque c'était des dessins que l'on ne pouvait pas attribuer à un artiste du fait de leur maladresse ou du fait de leur dimension abstraite, gestuelle, et en tout cas qui ne se configuraient pas dans l'étude que l'on a du dessin, on trouvait le terme utilisé de scaraborchio, gribouillage. Donc c'était quelque chose qui n'était pas digne d'être étudié. Ce qu'on trouve dans les marges n'est pas indexé. Et on s'est aussi aperçu très souvent que ce genre de dessin s'est retrouvé derrière les feuilles, c'est-à-dire au verso des feuilles importantes. Et donc voilà, on a fait tout ce processus de repérage, de, entre guillemets on pourrait dire de mauvais dessins, qu'on a qualifié du terme de scaraborchio, puisque voilà, ils étaient ainsi caractérisés du fait qu'ils n'étaient pas regardés, ou bien très souvent considérés comme étant de la main de jeunes apprentis, parfois même d'enfants qui passaient dans l'atelier. Alors très souvent cette idée dans les livres, dans les catalogues, qui disent voilà, ça c'est très certainement un enfant qui se balade sur les échafaudages, ou un garzone, vraiment un apprenti qui n'avait pas encore la dextérité et qui ne savait pas encore dessiner. Ce qui a changé dernièrement, je dirais, c'est que il y a eu de plus en plus d'attention dans des descriptions plus complètes, plus précises de tout ce qu'on voit sur le recto, mais aussi sur le verso des œuvres. Il y a eu des campagnes photographiques qui s'accompagnent maintenant de bases de données en ligne où l'on présente non seulement le recto des dessins, mais aussi le verso et toutes les traces qu'on peut y trouver derrière. Donc, se tournant sur la matérialité que l'histoire de l'art a connue dans les dernières décennies, a donné un accès et a aiguisé l'œil pour ce genre de signes graphiques. La palette d'un artiste de la Renaissance, c'est-à-dire les possibilités de dessin qu'un artiste de la Renaissance avait, sont beaucoup plus amples de ce que l'on croyait. Et pour aller dans ce sens, il y a une anecdote qui est assez connue. Cette anecdote nous raconte que un jour, de mémoire, lors d'un dîner, Michel-Ange et ses amis font une compétition. Et joue à qui sait dessiner le mieux le mauvais dessin, le fantoche qu'il voit sur une mur d'une façade de Florence. Et donc là, on est vraiment dans un graffiti probablement tracé de la main d'un anonyme, comme on fait encore aujourd'hui. Et Michel-Ange, dans cette composition, non seulement il se souvenait parfaitement de ce qu'il avait vu, et donc là c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que ce type de dessin l'a marqué, mais aussi il est capable de le reproduire et de faire passer son dessin par un dessin sans dessin. Et donc cette capacité que l'artiste a de se priver de sa dextérité, de se priver de la maîtrise, nous dit aussi que quelqu'un comme Michel-Ange est capable d'aller d'un registre très haut, c'est-à-dire le registre d'une main divine, d'une main extrêmement habile et qui a la plus grande adresse, jusqu'au dessin le plus mauvais, qui est le dessin anonyme, le dessin d'humain inculte, le dessin d'humain qui n'a pas appris à dessiner. Et donc là, on voit un élargissement, comme un étirement des possibilités du dessin des artistes de la Renaissance. Et c'est cet étirement que l'exposition cherche à mettre en avant. Vous avez mené une expérience presque limite, hein, qui vous a amené dans un état limite à un moment. Lisa Mandel, pendant un an, vous avez dessiné donc une page par jour qu'on pouvait voir sur Instagram. Et ensuite, vous l'avez donc édité. C'est devenu une bande dessinée qu'on pouvait feuilleter. Vous jouez dans cette succession de 365 journées beaucoup avec cette idée parfois de la fatigue, du dessin raté ou du dessin bâclé ou du mal dessiné. Oui, tout à fait. Bah, il y a les jours où il y avait des jours sans, et quand on décide de faire un dessin par jour, bah, les jours sans, c'est quand même des jours avec. Et donc, c'est avec un truc pourri. Donc je jouais avec et puis ça devenait une blague. Mais j'ai aussi joué, il y a des jours j'avais envie de faire du dessin alternatif, de la BD indé, et du coup je rigolais, je faisais des... Moi ça me faisait rire, je changeais un peu de style et je faisais un style que je disais, voilà, ça c'est du roman graphique. Donc oui, je me suis un peu amusée avec les styles parce que j'étais en roue libre et que j'avais cette possibilité-là de le faire. Mais je dois dire que c'était assez plaisant de dessiner comme si demain n'existait pas. De dessiner en me disant, c'est pas grave, j'assume, c'était complètement désinhibant. Et puis, décomplexant de faire ça. Et du coup, ce type de pratique qui relève d'un langage maladroit, rudimentaire, gestuel, ironique, subversive, parcourt des surfaces qui sont toujours cachées ou qui sont toujours à la limite, liminale. Elles ne sont pas au centre, puisque vraiment, l'espace du dessin définit l'espace de ce que se voit et l'espace du griffouillage définit un espace de ce qui ne se voit pas. Il y a un exemple assez intéressant de ce point de vue. Il y a deux lettres, l'un qui est de Albrecht Dürer, qui écrit à un très proche ami. Il est à Venise et il dessine un petit gribouillis enfantin. C'est une petite tête avec des cheveux électrisés, comme si c'était des fils électriques, un grand sourire ricanant. Et il se moque de sa propre peinture et de la réception que sa peinture avait eue à Venise. Et un autre dessin de Michel-Ange qui écrit toujours à un ami, dans lequel il se représente en train de peindre sur le plafond de la Sixtine un sort d'ectoplasme. Alors, ces deux dessins qui montrent une régression de la part des deux artistes sont envoyés à des très proches amis. C'est-à-dire, cette libération par rapport aux règles de dessin ne peut se faire que dans l'espace intime, puisqu'il ne peut pas être montré. Quand vous êtes au téléphone, quand vous, peut-être sans y penser, sans y réfléchir, est-ce que vous avez une pratique comme ça de griffonnage ? Alors tout à fait, je dessine tout le temps quand je téléphone, mais alors je dessine, je pense, la même chose que quelqu'un qui ne dessine pas. C'est-à-dire que je fais des tas de carrés. Je fais des espèces de motifs répétitifs. Oui, souvent c'est un peu architectural, enfin c'est un peu géométrique. Après, je fais des yeux, alors parfois je fais des bouches. Un des éléments que l'on trouve le plus souvent, fait avec application ou avec ironie, c'est le profil de l'œil. Le profil de l'œil qui est vraiment le béaba de la formation du dessin dans les ateliers de la Renaissance. On commence par dessiner un œil de profil, ensuite on fait des profils de visage. Et ces yeux, on les trouve et on les retrouve encore en marge de nos dessins, parfois fait avec application, parfois fait de façon très rudimentaire. Et à ce sujet, on a un très bel exemple, cette fois-ci dans un tableau de Gian Francesco Carotto, qui nous montre un jeune garçon en train de rire en nous montrant son bonhomme, le bonhomme qu'il a dessiné sur une feuille de papier. Et bien auprès du bonhomme, ce bonhomme dessiné d'une main enfantine, on voit le profil d'un œil dessiné très, très précisément, ce qui nous permet de situer ce que le tableau représente dans le contexte de la formation de l'atelier. Donc moi, oui, il y a des yeux, par exemple, je sais que je parle beaucoup des Schtroumpfs, mais ça a été une grosse source d'intérêt. Ou même Astérix Obélix. Les yeux, par exemple, de savoir que l'œil qui était devant, il était plus gros, il était au-dessus de l'œil qui était derrière, c'est des trucs que j'ai appris en regardant des franco-belges. Sur le revers d'une feuille, il y a en plein centre de la page une étude de Drapé qui, on sent l'application de qui a dessiné cette étude à la sanguine, qui a essayé vraiment de définir par des traits hachurés les zones d'ombre, les zones de lumière. Vraiment, donc il y a un travail très appliqué. Et puis tout d'un coup, il y a des petits yeux ronds qui figurent comme ça dans la page de manière très... très impromptu. Et une autre tête fascinante, c'est en bas à droite de la feuille, elle a été coupée parce que probablement cette feuille a été découpée à un certain moment. Il y a une tête complètement caricaturale. Mais ce qui est drôle, c'est que en fait, la feuille nous regarde du coup. Parce qu'il y a deux paires de yeux, il y a les yeux à gauche du drapé et puis cette petite tête qui émerge comme ça. Et donc il y a aussi un jeu avec qui regarde la feuille forcément. Donc il y a vraiment, oui, je ne dis pas des petites bestioles, mais en tout cas c'est des petites caricatures, des petites figures grotesques qui interagissent très fortement et qui montrent un jeu, un amusement graphique. Alors qu'on s'amuse à dire, mais évidemment c'est un peu entre nous, mais que cette feuille pourrait montrer deux mains différentes, celle du maître et de son élève, un petit peu comme si Pontormo était en train de dire à Bronzino, ben, une fois que tu te seras appliqué et tu seras dessiné vraiment comme un grand maître, tu pourras te lâcher, ou bien lâche ta main, en fait, commence à relaxer ta main pour pouvoir dessiner de manière plus fluide. Ce que je transmets, c'est ce que moi j'ai, c'est les choses qui m'ont aidé à faire ma carrière. Donc en général, ces étudiants-là, quand je les ai, quand je leur parle, souvent je leur dis lâcher quoi, c'est-à-dire arrêter d'essayer de faire du beau dessin. Mais souvent, quand ils sont jeunes, alors ils essaient de faire du joli dessin, de mettre des reflets. Mais moi, je leur donnais pas de temps pour faire ça. Je leur dis non, la BD, il faut la produire dans 2 heures. Donc tu dois sortir une BD dans 2 heures. Et donc là, ils sont obligés de lâcher tout ce à quoi ils s'agrippent, des trucs d'esthétique, des trucs qu'ils ont lus, et ils sont obligés de sortir vraiment ce qu'ils sont eux au profondément, et les surprises sont très belles, parce que c'est des gens en plus extrêmement doués. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est ce qui compte, c'est l'histoire, et c'est pas parce que vous aurez passé 12 heures sur une case qu'elle sera mieux que si vous la faites vite. Ce qui compte, c'est ce que vous avez à dire. En fait, moi, je suis beaucoup dans le propos, c'est-à-dire que si on n'a rien à dire, si on est creux, on peut faire un dessin magnifique qui sera vide. Si tu fais une lecture un peu abstraite, tout devient très simple. Et il y aura une logique qui va s'instaurer. À certains moments, tu peux gommer. En fait, ça continue comme ça. Et en fait, la tête est un tout petit peu plus comme ça. Et tu vois, ça te donne tous les mouvements comme ça. Là. Non ? Avec les adultes, c'est passionnant. Parce que la plupart des personnes s'imaginent pas douées pour les dessins. Or, en général, si on sait compter, si on sait conduire, si on sait écrire, on est absolument doué pour dessiner, pour peindre. Rien ne s'oppose à ça. Et donc, vous pouvez aller relativement vite à donner les bases, ce qu'il y a d'essentiel pour établir un lien avec la surface de la feuille et avec l'objet de ce qu'on voudrait faire venir ou comprendre. Et ça, ça va être autant un paysage, soit un personnage, soit des objets. C'est fabuleux comme possible. Avec un adulte aussi, il y a une autre branche possible à explorer, que c'est celle de l'imagination. Quelque chose de l'ordre de l'imagination active, c'est oublier tout ce qui nous entoure, se concentrer sur une feuille, et plutôt, avec un trait incisif, ça pourrait être une plume et de l'encre, essayer de créer des scènes qui sont tout le temps en train de se produire dans notre tête, qu'on s'aperçoive ou non. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une certaine concentration, vous pouvez vous connecter avec ce qui est en train de se passer au niveau du flux d'image et leur donner une parole. C'est comme un voyage que vous faites dans votre intérieur qui vous donne et des mots et des connaissances, quelque chose que sinon se perdrait. En fait, quand j'emploie ce terme d'imagination active, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça je l'ai vu de Jung. Et donc, si vous activez cela, ça fait que peu à peu vous injectez une nouvelle énergie à tout ce qui vous entoure. Et vous rentrez dans tout un travail véritablement de création. Voilà. Surtout, ça je dirais par expérience propre, je n'ai jamais montré ça. On vit cette dimension qui peut frôler le ridicule. Ce n'est pas pour montrer, c'est pour comprendre. C'est presque comme un travail de confession. Donc, c'est capital, parce que vous liez aux choses les plus intimes, mais là, vous trouvez des trésors. Là, on est installé dans les jardins de la Villa Médicis. On est dos au soleil, on entend les paons, les perruches, la rumeur de la ville. Et avec nous, il y a Gabriella Pace, qui, elle, est en plein soleil. Mais on dirait que ça ne lui fait rien, tellement elle s'enthousiasme quand elle parle. Elle est historienne de l'art et responsable de la restauration à l'Institut des Arts Graphiques à Rome. Elle était aussi commissaire d'une exposition consacrée à Jacopo da Pontormo, une exposition organisée autour d'un carnet de dessins personnels du peintre qu'ils ont réussi à reconstituer. Ces dessins sont un noyau extraordinaire car ils étaient réunis dans un carnet d'artistes que nous avons reconstitué. Comme on le sait, le carnet est sans doute ce qu'il y a de plus intime. C'est le témoin de la première étincelle et de la créativité quand on parle de dessin. Avec Pontormo, nous sommes en pleine Renaissance, à un moment fondamental pour le dessin, qu'on voit comme un processus de création et de conception, quelque chose qui est étroitement lié à l'idée. Et Pontormo en fait quelque chose d'extraordinairement personnel. Dans ce carnet, nous avons ses études de composition. Mais on y trouve aussi des œuvres totalement en avance avec son époque. Des croquis qui sont presque des images contemporaines, qui se succèdent et tournent autour de la représentation du corps humain, qui, on le sait, est au centre du débat artistique de la Renaissance. Centro dell'interesse del dibattito artistico. Pontormo aborde cette question de manière profondément personnelle. Si l'on veut, il en fait presque un mode de recherche en soi. Et en regardant ses dessins, on a l'impression qu'il fait face à quelque chose qui est presque de la lave incandescente. Et donc ce carnet devient le lieu où naît l'impulsion de sa recherche. Et dans ce cahier, il y a des dessins extraordinaires et parfois, on trouve même des esquisses de personnages qui semblent être une anticipation des dessins que fera Picasso plus tard. Alors évidemment, en tant qu'historienne de l'art, je sais bien qu'il ne faut jamais juger un artiste à l'aune de ses travaux les plus intimes, mais sur ce qu'il veut finalement accomplir et sur ses œuvres achevées. La chose extraordinaire dans le carnet de Pontormo, c'est qu'il alterne très naturellement des études de composition très abouties pour le retable Pucci de l'église San Michele de Visdomini de Florence, mais aussi d'autres petites esquisses pour le même retable. Et il s'agit de dessins d'une immédiateté et d'une énergie extraordinaires. Il y a des petites esquisses de bras ou l'esquisse d'une figure qui est à peine un trait. Je dirais, même si ce n'est pas le terme approprié, que c'est comme une anticipation de ce que fera Picasso bien plus tard. Des choses presque schématiques. Presque un dessin automatique. Mais dans le carnet, on trouve aussi des dessins qui semblent faits pour ne pas interrompre le flux qui jaillit de la main, comme l'expérience d'une narration faite à soi-même pour trouver là l'origine même de la créativité de l'artiste. Et qu'est-ce qu'on a, Francesca Alberti, comme source justement pour étudier ce statut du dessin, son évolution à la Renaissance ? Cela dépend beaucoup des artistes, puisque les dessins sont souvent réutilisés, réemployés en tant que modèle. Donc la page en soi, l'usage d'une page ne s'arrête jamais. Elle est constamment regardée, remise sur la table, recopiée, parfois complétée à des époques différentes. Donc il y a parfois même des palimpsestes sur les mêmes pages. On dessine dans tous les sens, on dessine à la verticale et puis on tourne la page, on dessine de l'autre côté. Évidemment, à un moment où la quantité de papier disponible était assez faible, on essaie d'occuper toute la surface et en même temps de réutiliser la page. Et cette façon de conserver les dessins est véritablement liée à l'idée que les inventions qui sont sur papier ensuite se diffusent, sont réinterprétées au fur et à mesure par les différents assistants du maître, par les élèves. Donc c'est aussi des objets d'études. Et c'est aussi parfois des objets qui, par la suite, sont gravés, et donc diffusés à travers la gravure, les stampes, etc. Il y a eu un certain nombre de feuilles de Michel-Ange que l'on a qualifiées de dessins conversationnels. Ce sont des dessins où on trouve, on a vu une tête dessinée par la main du maître, et puis à côté, toute une série d'autres têtes qui essayent de récopier, de refaire, de s'approcher en fait de celle-là. Et dans une de celles-ci, il y a un mot écrit à la sanguine, c'est-à-dire à la pierre rouge, ou de la main de Michel-Ange, on a écrit « Andrea abbi pazienza ». Andrea, et patience. Prends patience parce que voilà, l'apprentissage est très long, très dur, etc. Donc c'est intéressant parce qu'on voit dans ces feuilles, un peu comme dans les revers des tableaux, cette vie collective de l'atelier qui fait en sorte que des feuilles sont souvent partagées par plusieurs personnes. Parfois, quand je dois faire un personnage qui met une veste, je me rappelle toujours mon cours de dessin d'observation aux Arts Déco. Lisa Mandel. Où on avait vachement dessiné des gens qui mettaient, qui enlevaient des vêtements, et où le prof nous avait dit, vous verrez, ça vous servira toute votre vie. Et c'est vrai que maintenant, alors avec mon dessin qui est vraiment très simple et pas forcément réaliste, je me sers quand même de cette expérience du personnage qui enlève et qui remet sa veste. Ça m'est arrivé de décalquer, bon, quand je veux faire des scènes un peu réalistes, mais fait exprès réalistes. En fait, je pense que toute ma culture de dessin, elle se ressent dans ce que j'aime. Mais est-ce qu'elle se ressent dans ce que je produis ? Je pense que je m'en suis nourrie, hein, malgré tout. Mais parfois, j'avoue que je suis frustrée parce que moi, ce que j'aime, entre ce que j'aime et ce que je fais moi, il y a parfois un gap énorme, quoi. Et justement, Diane Bodard, comment étaient considérés ces brouillons, tous ces dessins qu'on fait sans réfléchir, y compris quand on est Léonard de Vinci ou Michel-Ange ? Quel statut avaient ces dessins-là à la Renaissance ? Est-ce qu'on les considérait ? On en parle, on les conserve, mais on les décrit peu. On les décrit peu, je dirais, jusqu'à la toute fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, quand une forme de dessin comme ça, qui joue d'une régression contrôlée, qui joue à dessiner mal, finit par s'imposer dans le discours sur l'art, finit par petit à petit devenir même un genre artistique. Et ce dessin-là, c'est la caricature, ce qu'on appelle aujourd'hui la caricature, le portrait chargé. Et à ce moment-là, on commence, oui, à collectionner ces dessins et à décrire ce jeu de régression contrôlée. On est là devant deux dessins du Bernin. Alors quand on pense au Bernin, on pense pas du tout à ce genre de dessin. Là, on voit des caricatures, une espèce de cardinal ricanant avec un œil en forme de E minuscule, des cheveux bouclés. Puis on voit une espèce d'autre caricature, on dirait une espèce d'homme lézard ou d'homme serpent. Bon, un homme pénis. Voilà, un homme pénis. Bah, non, moi, au début, je voyais sincèrement un homme. Bon, bah, il a quand même une tête de lézard. Ah, bah, d'accord. Bon, bah, Bernin n'est pas là pour nous dire. Alors, est-ce qu'on peut peut-être en dire plus sur ce lézard ? On voit le pouvoir du trait comique de voilà. Bernin, déjà à l'œuvre avant même de commencer à en parler. Oui, Bernin, donc le grand maître de la scène artistique à Rome au cours du XVIIe siècle, a contribué remarquablement à la diffusion de la pratique de ce qu'on appelait le ritratto caricato, donc le portrait chargé, maintenant une caricature qui s'attaque à un individu particulier. Et ce sont des dessins que l'on trouve souvent en plusieurs exemplaires, ce qui nous dit aussi la fortune de ces dessins et leur diffusion. Alors il faut imaginer la réception de ce genre de portrait, le fait de pouvoir identifier le personnage et le voir réduit à ses plus simples traits est quelque chose qui provoque un amusement immédiat, mais d'autant plus si l'on pense que Bernin, souvent ici, prête son trait caricatural à ces mêmes modèles dont il faisait des dessins plus élaborés, pour ensuite réaliser leur buste de marbre blanc, qui était quand même le summum du portrait que l'on pouvait se faire réaliser. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a une injure romaine, qui est encore actuelle aujourd'hui, qui testa di cazzo, qui semble vraiment mise en image ici. Et qu'il faut nous traduire. Donc, une tête de bite. Et l'association visuelle ici, le jeu de mots visuel crée autour de cette caricature une invective qui nous dit quelque chose de ce que pensait Bernin, de ce chef de garde, chef de bande. Parfois, j'ai joué aussi au fait de faire des dessins d'enfants, mais vraiment comme si j'étais un enfant. Donc, au fur et à mesure des cases, on dirait que je rajeunis. Là, il y avait une page de BD comme ça où je dis j'ai fait pareil que Benjamin Button. Donc, j'ai commencé la journée vieille. Donc, on voit un dessin de vieille. Et puis après, au fur et à mesure de la journée, je rajeunis. Donc, le dessin et le propos deviennent de plus en plus légers. Puis, ça finit par un dessin d'enfant de 2 ans complètement raté. Donc, voilà, je joue à des choses comme ça. Je vais expliquer, par exemple, je vais dire là, je me suis trompée en perspective. On dirait qu'on est en pente. On n'y est pas. Des fois, je fais aussi un dessin réaliste moche en disant là, quand je m'applique, ça fait ça. Ou je suis en discussion avec un auteur de BD réaliste et je lui dis regarde, quand je m'applique, c'est laid. Il fait oui, c'est vrai. Donc, voilà, je joue. En fait, il y a toujours le dialogue vient aussi. Animer le dessin, c'est-à-dire que la maladresse et le raté prend sens parce qu'on en rit aussi. C'est l'autodérision permet aussi de faire ça. Puis parfois, juste c'est mal fait, enfin un truc mal fait, c'est-à-dire c'est bâclé, c'est le personnage reconnaît à peine qui c'est, il y a 8 doigts à chaque main, ça déborde des cases. Enfin voilà, il faudrait le voir, quoi, c'est quand même très visuel. Moi, je suis une autrice de BD, hein, donc je pense tout de suite histoire. Pour moi, il y a pas de mauvais dessin. Si, il y a des mauvais dessins quand ce que l'auteur veut raconter, ça n'arrive pas à passer par le dessin. C'est-à-dire que parfois, il est arrivé qu'il y ait des gens qui proposent des projets de BD. Enfin, que moi, j'y arrivais pas, je comprenais pas la case ou la page. Je dis, tu vois, t'as ton cadrage, je le comprends pas, je comprends pas ce que tu veux dire. Et la personne est à côté, essaie de me convaincre comme si elle vendait du poisson. Mais si, mais la regarde et tout. Et pour moi, ça, c'est un mauvais dessin parce que le dessin, il doit parler tout seul. Il doit pas y avoir quelqu'un à côté pour nous expliquer ce qu'il faut lire. Donc pour moi, un mauvais dessin, c'est un dessin qui arrive pas à expliquer son propos. Mais en aucun cas, pour moi, du mauvais dessin, c'est une personne qui est pas très bonne en perspective ou qui galère un peu. Quand on arrive dans cette deuxième salle, Diane Bodard, Francesca Alberti, on est saisi par ce beau politique, par ce diptyque qui nous fait face avec deux personnages religieux sur fond doré. Alors qu'est-ce qu'ils font dans cette exposition? Parce que là, c'est pas du gribouillage du tout, ça, c'est parfait. Alors effectivement, il faut aller au-delà de sa surprise et passer au revers des panneaux produit par Giovanni Bellini et son atelier à Venise dans les années 1460. Et voilà que l'on découvre sur le bois nu de l'arrière de ces panneaux une profusion de dessins. On a des bustes assez finis, des profils qui vraiment nous rappellent le travail des portraits de ces années-là, des petites figures de saltimbanques ou de personnages en costume avec des grands couvre-chefs, mais aussi des figures bien plus difficiles à classer, très drôles, des figures grotesques, des caricatures. Alors on a par exemple ce personnage de profil avec un long nez pointu, une lèvre supérieure saillante, qui vraiment semble tirer profit des irrégularités du bois. On a aussi des études de jambes. Et puis, sur le panneau de gauche, on voit ce visage large, aux traits flasques, avec des énormes yeux globuleux qui nous dévisagent et coiffé d'une grande mitre. Il a des oreilles pointues, un large sourire qui est presque un sourire de masque et que nous appelons familièrement entre nous l'évêque de Carnaval, qui semble quelque part se moquer du véritable évêque Saint-Louis de Toulouse, qui est représenté sur le recto du tableau. Une des choses vraiment fascinantes, c'est que si on avait cette figure sans le contexte, ce serait extrêmement difficile non seulement de l'attribuer, mais même de la situer de façon chronologique, parce que jusqu'ici, les quelques études qui se sont emparées de ces dessins l'ont approché dans une perspective d'attribution, mais une perspective qui ne prend pas en compte le fait que les maîtres eux-mêmes pouvaient s'amuser à mal dessiner ou pouvaient même dessiner vite, pouvaient aussi dessiner dans des jeux graphiques en conversation avec leurs élèves, comme on a vu avec la feuille de Pontormo et de Bronzino. Michel-Ange avait trié ses propres feuilles, son propre fond d'atelier, de façon à ne pas laisser à la postériorité un certain nombre de dessins qu'il jugeait indignes de cette pratique, de cette noble pratique de sa main. Et puis, par ailleurs, un artiste qu'on l'a qualifié de divin. Donc, Michel-Ange a la main divine. Et puis, Pour ce qui relève plutôt de ce qui nous intéresse, la partie de gribouillage, je dirais que c'est plutôt ce qui a survécu. Par exemple, il y a un lieu fameux qui est la Stanza Segreta, c'est cette chambre souterraine qui se trouve à Florence, dans l'église de Saint-Laurent, où Michel-Ange travailla, et il y a une petite chambre à l'étage inférieur, et tous les murs sont recouverts par des dessins en charbon. Et ce travail a lieu aussi d'un moment politique extrêmement compliqué, qui est celui du sac de Rome en 1527. Donc Michel-Ange est à l'œuvre dans sa chapelle et il se serait caché dans la chapelle au moment de la réinstauration du pouvoir des Médicis par la force. Ce qui a aussi alimenté toute la légende de Michel-Ange caché dans cette chambre souterraine, se terrant là et passant ses journées à dessiner sur les murs aussi bien des grandes figures anatomiques, mais aussi on a toute une série de petits dessins extrêmement rudimentaires, des profils en faucille, des personnages grotesques à tête de coq, on a vraiment toutes sortes de choses. Ce qui est intéressant, c'est que ces personnages en faucille, au profil à faucille, qui ont l'air très rudimentaires et pas du tout michel-angelesques, on les retrouve dans certaines de ses lettres, certains de ses brouillons. Dans le corpus de dessins de Michel-Ange, on a en fait une certaine typologie de ce qu'on pourrait qualifier de caricature. C'est des sortes de têtes faucilles. Il faut s'imaginer vraiment une espèce de faucille dont la partie frontale se transforme en visage avec des yeux, un nez proéminent ou bien parfois une bouche. Parfois, il y a même des dents. Alors, c'est comme un quartier de lune, un peu. C'est comme un quartier de lune, exactement. C'est vraiment comme un quartier de lune. Il y a une certaine violence là-dedans, bien sûr. C'est une tête agressive. Ce qui est fascinant, c'est que ce type de proto-caricature, ben, on le retrouve aussi dans les dessins de Léonard da Vinci. Alors, il y a des très belles feuilles de Léonard da Vinci dans lesquelles il fait des études, des belles études de fleuves. Et dans le palimpseste de cette page, il y a deux grands profils, pareil, des profils faucilles, extrêmement agressifs, mais de très grande taille, qui sont vraiment de la même typologie que les têtes de Michel-Ange. Et ce type de tête, ben, on le retrouve aussi derrière des fresques détachées, par exemple à Florence. Et donc là encore, on voit bien que, ben, en fait, il y a une persistance, il y a une sorte d'imaginaire collectif qui peut être renvoyé à des pratiques folkloriques, à des moments de fête, à des choses qui se faisaient, même à des jeux, à des carnavals qui avaient lieu dans la rue, dans lesquels on utilisait des fantoches en papier ou même, pourquoi pas, en carton-pâte. Voilà, c'est des choses que l'on ne connaît pas, mais que peut-être ces dessins peut-être sont des témoignages qui montrent, renvoient peut-être à une pratique sociale dont on n'a pas de traces aujourd'hui. Mon style, c'est un style qui est vraiment issu du dessin de presse, qui a été, je pense, bien malgré moi, inspiré par tous ces dessinateurs de presse des années 80, comme Wolinski, Reiser, Bretéché, enfin, c'est une espèce de mélange de tous ces gens-là, plus ce que j'ai lu enfant, mais que dans le fond, je me suis vraiment... mon style, il s'est vraiment imprégné de ces lectures que pourtant j'aimais pas trop. Je les lisais, mais j'aimais pas ça. Mais finalement, je suis allée vers ça instinctivement. Donc ouais, moi j'ai un dessin qui serait entre la BD jeunesse et le dessin de presse au service de sujets qui sont plus du tout jeunesse depuis des années maintenant. C'est drôle ce que vous dites, que votre dessin, finalement, il s'est complètement imprégné de ce que vous lisiez, que pourtant vous n'aimez pas forcément. Non. Bah non, je lisais, mais moi ce que j'aimais c'était les trucs hyper réalistes ou les trucs très bien faits comme les Schtroumpfs. En fait, ce que j'ai admiré par-dessus tout, c'était le fait que il y avait des dessinateurs qui étaient capables de dessiner le même personnage toujours pareil et qu'il arrivait à faire des personnages qui se ressemblent. Et moi, je sais que même encore aujourd'hui, mes personnages, j'arrive jamais à les faire deux fois exactement de la même manière. Donc moi, j'étais admirative de la stabilité de certains auteurs de BD franco-belges et aussi de trucs très réalistes comme des gens comme Loisel ou des gens comme mais même Manard. Enfin, j'avais pas le droit de les lire, hein, mais à l'époque, c'était un peu en cachette. Mais je trouvais qu'il dessinait super bien. Et Bilal, enfin, j'avais des espèces d'idoles comme ça quand j'étais ado. Mais c'est vraiment un cadavre exquis, c'est vraiment un espèce de mélange, un milkshake de tout ce qu'on a vu dans toute notre vie. Donc en fait, c'est très difficile de dire. Enfin, il y a des personnes où c'est plus facile pour eux de dire, bah moi, mon style, clairement, il est inspiré de tel auteur. Moi, c'est un mélange de plein de gens. Ce que l'on trouve beaucoup, c'est l'idée du jeu. dans le sens de play. Donc il y a vraiment un processus de distanciation dans lequel on voit bien qu'il y a un certain plaisir à la fois un plaisir de tracer, puisque certains revers de feuilles, c'est vraiment rempli en fait d'un quadrillage de lignes. Et puis il y a aussi le plaisir de jouer de dessins, de faire des dessins régressifs, de faire des dessins que l'on pourrait qualifier de carnavalesques, des motifs drôles, des masques, des portraits de profil. Parfois, c'est des taches de quelque chose qui devient un visage. Donc il y a vraiment cette prédisposition au plaisir de la ligne qui se configure à la fois de manière figurative ou non figurative que l'on trouve dans ces surfaces. Alors moi, c'est vrai que je dessine plus tellement par plaisir. Je dessine quand j'en ai besoin. Donc c'est souvent, je dessine de mémoire. Donc quand on voit ce que je dessine, on se dit que ma mémoire est quand même un peu défaillante. Je dessine quand j'ai quelque chose à raconter. Donc moi, mon dessin, c'est vraiment, il est au service de mon propos. Et je dessine rarement, entre guillemets, gratuitement, parce que de toute façon, j'ai pas le temps. Et puis que je prends pas un plaisir non plus immense à le faire. Et comment ça se fait que vous preniez pas de plaisir ? Parce que je ne sais plus qui a dit le pire quand on a un rêve, c'est de le voir se réaliser. Je pense que j'avais un grand plaisir de dessin quand j'étais jeune et quand c'est devenu un métier et que j'ai dû produire tous les jours. En fait, c'est terrible de faire quelque chose qu'on adore de manière obligatoire. Et en fait, du coup, j'ai pas tellement de plaisir parce que aussi je trouve ça douloureux la création. J'en ai besoin. En fait, pour moi, le dessin, c'est pas un plaisir, c'est un besoin. C'est-à-dire que si je dessine pas pendant plusieurs jours, je me sens pas bien. Et en fait, quoi que je dessine, je me sens mieux. C'est-à-dire que c'est pas forcément cathartique. Je vais pas raconter le jour de ma naissance ou des trucs hyper dramatiques pour aller mieux. Je peux dessiner un bonhomme. Je peux dessiner comme je dessinais Nini Patalo quand j'avais 25 ans, et ça me fait autant de bien. C'est vraiment le fait de sortir des choses de soi. Moi, le plaisir que j'ai, c'est vraiment de raconter des histoires. Alors vous avez mis dans l'exposition en regard beaucoup de dessins contemporains et beaucoup de dessins de la Renaissance où on voit comme ça se croiser d'une manière assez stupéfiante, comme ça, ces jeux de lignes. Alors, quand on a commencé à s'intéresser à cette typologie de dessins, déjà, il n'y avait pas d'instrument dans l'histoire de l'art traditionnel qui nous permettait de les aborder. Par contre, la question du mauvais dessin, du dessin régressif, du dessin des enfants, de la fin du 19e siècle jusqu'au 20e siècle, il y a toute une pratique de l'histoire de l'art qui parle de ça, l'analyse. Par contre, pour la Renaissance, ce n'était pas possible. Donc, si on regarde ces dessins avec le dessin moderne et contemporain, c'est une façon de pouvoir appliquer aussi de nouvelles catégories aux dessins de la Renaissance, c'est-à-dire de les regarder par le biais de ce que l'on sait du dessin contemporain. Et donc, le dessin de la Renaissance, quand on commence à voir comment ces gribouillages se configurent, on s'aperçoit que ça relève de la prise de distance avec la pratique, d'une volonté de l'artiste, d'un jeu, d'un regard, d'un recul. Et tous ces éléments très intentionnels et très pensés par les artistes, c'est quelque chose qui peut aussi nous permettre de voir différemment les dessins contemporains. Moi, j'ai aussi un gros souci d'efficacité, c'est-à-dire que j'aime que ça aille vite. Et donc, je pense qu'aussi le plaisir disparaît parce que j'arrive pas à passer du temps sur un dessin, parce que moi, je veux que ça avance. Donc, je vais souvent très vite. Donc, j'ai développé un style ultra simple, assez lisible, assez fluide. J'ai beaucoup axé sur l'expressivité des personnages, donc les personnages sont assez expressifs. Mais finalement, c'est en trois traits, quoi. Moi, j'ai quand même un dessin qui est comme ça, qui est vraiment hyper synthétique et hyper immédiat. Et du coup, un peu nerveux. Et voilà, quoi. Pendant longtemps, on n'a pas pu concevoir que les artistes, qu'un artiste comme Léonard de Vinci fasse ces petites caricatures, ces têtes grotesques pour faire rire. C'était forcément quelque chose de sérieux. C'était forcément une étude du monstrueux, une étude de la physionomie, cette idée de la plaisanterie, du plaisant, du rire, tout ce qui ne relève pas du sérieux. Et quelque chose qui, d'une certaine manière, on a essayé d'évincer des grands maîtres de la Renaissance. Or, je pense que l'un des enseignements les plus intéressants de la Renaissance, c'est que la Renaissance est arrivée à conjuguer ce qu'on appelle le serio ludere, c'est-à-dire le sérieux et le plaisant, l'amusement sérieux. Il y a cette nécessité de jouer, mais de jouer dans le noble sens du terme, en fait, de jouer de sa propre pratique, de déjouer sa propre pratique, donc d'entraîner une relation très intime avec sa propre pratique artistique. C'est quoi, Ricardo Cavallo, un bon dessin? Un dessin réussi? le dessin qui fonctionne, qui est en relation avec ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre, un beau dessin, un bon dessin? C'est, oui, il fonctionne, il marche, il vous permet d'aller là où vous êtes en train d'aller. Et en principe, c'est le dessin qui n'a pas de signature, qui n'a pas de date et qui n'est pas à la vente. Voilà. Je parle, je crayon, je dessine, je parle des tableaux, des portraits, je parle des dunes, de ma tête fine, une tête fine, c'est bien mon badine, et je la montre et contrer, je parle ma bronze immortalise, je parle des têtes de Péron, je parle des minois de marquise, ma palette exquise, les idéalise, et mes clients. Merci à Francesca Alberti, Diane Bodard, Lisa Mandel, Gabriella Pace et Riccardo Cavallo. Merci aussi à la Villa Médicis. Prise de son, Morgane Danan, Yvan Turc, Maïtran, Georges Thau, Sébastien Huel, Hélène Langlois et Patrick Muller. Mixage, Éric Villenfin. Documentalistina, Delphine André. Super stagiaire qui va nous manquer et qui a sélectionné et écouté toutes les archives, Pauline Mijevant-Lépine. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Une histoire du trait, dessinée pour s'amuser, un documentaire de Perrine Kerbrand, réalisé par Assia Khalid.